Tu dis que tout s'effondre, que t'as plus rien devant, que ton reflet te montre un visage d'avant. Mais je vois dans ton silence toutes les forces que t'ignores, et même dans tes absences, je sais ce que t'as dans le corps. T'as le cœur qui s'use, qui doute et s'excuse. Je te promets mieux, des jours plus hauts, des nuits sans peur. Je te promets mieux, des lendemains qui ont de la chaleur. Tu verras, ça viendra, on marchera vers la lumière. Tu te relèveras, crois-moi. Je te promets mieux que la poussière. T'es vu perdre pied et t'accrocher quand même. T'as voulu tout quitter pour oublier ce que t'aimes. Mais l'orage fait naître les couleurs d'après. Il faut parfois admettre qu'on peut renaître en secret. T'as le cœur qui s'use, qui doute et s'excuse. Je te promets mieux, des jours plus hauts, des nuits sans peur. Je te promets mieux, des lendemains qui ont de la chaleur. Tu verras, ça viendra, on marchera vers la lumière. Tu te relèveras, crois-moi. Je te promets mieux que la poussière. Et si tu tombes encore, je serai là plus fort. Même les plus grands guerriers ont besoin d'un allié. Alors serre ma main, on ira loin. Je te promets mieux.